Allez les gars, videz-moi donc ce bouge. Allons nous mettre pour quelque temps au vert. Le bleu du ciel a viré dans le rouge. Naviguons tous maintenant à couvert. On n'est pas né de la première flibuste. À Saint-Malo, faisons-nous oublier. Coup de Faubert, le métier est injuste. Retour à bord, virons à la coupée. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo. Allez les gars, laissez là vos ardoises. On va se tirer, on va se mettre à l'abri. À louvoyer, si souvent sous la toise, ça fait gémir doucement les poulies. Partout les mâts et les grincements des chaînes. Fini la course, l'escale a trop duré. Le roi sera très sûrement dans la peine. À nous savoir ainsi encanailler. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo. Allez les gars, rincez-vous donc la trogne une dernière fois et prenez vos quartiers. J'en ai soupé de vos discours d'ivrogne. Une fois pour toutes, laissez là vos potées. À Saint-Malo, protégés par nos dogues, nous dormirons au chaud sous nos remparts, loin de l'anglais, écrasés sous le fort. Contre nos femmes, donnons des coups de barre. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo. Troussez les toiles, hissez les voiles à Saint-Malo. À moi corsaire pour nous refaire à Saint-Malo.